Mais ce qui arrive également en parallèle de toute cette histoire-là me surprend pas, parce que moi je trouve ça extrêmement dangereux, et c'est pourquoi je pense que votre cause est très importante. C'est, est-ce qu'on a le droit, quand on pense que notre cause est légitime, de bafouer la loi? Moi je pense que non, et le juge a eu des mots assez durs en disant que ça peut mener à la tyrannie. Je suis d'accord avec lui, parce que quand tu mets dans la tête à du monde, surtout des jeunes, que si ta cause est bonne, ben ça te donne le droit d'enfreindre la loi, ça devient l'anarchie, parce que dans la tête de tout le monde, sa cause est toujours bonne, et ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, ont vu que tous les grands dictateurs, ou les grands, etc., ont tous fait ça au nom d'une cause. Il y avait toujours un objectif et ils ont légitimé tout le reste en disant « la cause est bonne ».